Récemment, j'ai fait mon déménagement. À genoux, au milieu des cartons, je me suis posé la question, est-ce que tout ce fatras va rentrer ? Parce qu'autour de moi, il y avait une ribambelle de sarouel, de la peinture à fioritures. Les carnets se sont entassés à force d'y noter mes idées. Un nombre de câbles considérables, des chaussettes par-dessus la tête. Et puis bien sûr, moult crayons que je trouve jusqu'au fond du salon. C'est le temps du déménagement, il faut faire le tri. Je passe au crible mes affaires, 3 ans de ma vie. Une partie dans les cartons, le reste à la poubelle. Au revoir l'ancienne vie et bonjour la nouvelle. C'est pas tout car j'ai du thé en quantité, une farandole, 2 casseroles. Attention à ne pas casser les bols et les tasses à café. De la paperasse qui s'entasse, des partitions à profusion. Une quantité astronomique de disques triés par artiste. C'est le temps du déménagement, il faut faire le tri. Je passe au crible mes affaires, 3 ans de ma vie. Une partie dans les cartons, le reste à la poubelle. Au revoir l'ancienne vie et bonjour la nouvelle. C'est le temps du déménagement, il faut faire le tri. Je passe au crible mes affaires, 3 ans de ma vie. Une partie dans les cartons, le reste à la poubelle. Au revoir l'ancienne vie et bonjour la nouvelle. Au bout d'un moment, je me rends compte que c'est pas tout, parce qu'il y a toujours des affaires qu'on rajoute au fur et à mesure. Et là, il y avait des tentures sur les murs, une étagère de bouteilles de bière, mes godasses qui s'entassent, une légion de pantalons, un amas de pots tabac, des cafetières pas nécessaires, une caisse d'outils même pas utile, des bouquins, il y en a plein. Heureusement pour le camion, je suis la Tetris, génération.